Pas menti, hein. Ça c'est un son qui envoie du bois grave et qui date de 94-95. Solar Quest dans Carte Blanche sur Radio Neo avec Acid Air Red. L'intégralité encore une fois de tout ce qui a été diffusé ce soir bien sûr est sur le site officiel de RadioNeo.org et sur le MySpace de l'émission www.myspace.com/maxcarteb. Venez nombreux et la semaine prochaine il y aura des invités comme ça jusqu'à la fin de la saison. Vous avez absolument tout sur le MySpace. Oh mon Dieu que c'était bon. Avant de se quitter, bien entendu, entre 22h et 23h, il s'agit du mix. Et le mix de ce soir, là aussi, c'est Revival. C'est un vieux son, un vieux mix. Mais par quelqu'un qui est toujours dans la course, qui est toujours dans le coup, qui, je crois, d'ailleurs, la semaine dernière, était au Queen, hein, d'ailleurs, sur les champs, entre autres. Donc voilà, il est toujours à la page. Il est toujours dans le coup. Carl Cox. Et nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, 20h. Le rendez-vous est pris pour Carte Blanche sur Radio Neo. D'ici là, bon week-end, soyez sages. Et à jeudi prochain. Une heure de mix, c'est Carte Blanche sur Radio Neo. Le mix sur Radio Neo. Une heure de mix, c'est carte blanche sur Radio Néo. Oh, Carte Blanche, le mix sur Radio Neo. Une heure de mix, c'est carte blanche sur Radio Neo. Check this out.

Une heure de mix, c'est carte blanche sur Radio Neo. Blanche, le mix sur Radio Neo. Une heure de mix, c'est carte blanche sur Radio Néo. Carte Blanche, le mix sur Radio Néo. Carte blanche, le mix sur Radio Neo. Thank you. heure de mix, c'est carte blanche sur Radio Néo. Libérateur de talents.